copia una carta da una dei ragazzi. On va al limite, on peut récupérer des cartes qui sont dans la table. Ouais, on attend un petit peu. Je prends du côté de Martin. Pardon, attends que je me fasse. Thank you. Bon. Et après, plus de 500 personnes tous les jours.